Alexa. Présentation du service aux étudiants et de la banque. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. À chaque lundi, on dirait. Hein? On va se réveiller un peu. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Audrey Tremblay vient de parler d'une nouvelle parution du journal Zone Campus. Et Stéphanie Gagné avec les sorties spectacles dans Take Me Out à Assemblage Requis. Lundi 1er novembre 2010, bienvenue à Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Il est 7h13, on est en direct des studios de CFA à Trois-Rivières. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. Et celui que vous entendiez, c'est Mathieu Plante. Ben oui, toujours une gaffe au moins en plein début d'émission le lundi, c'est la tradition qui se poursuit. Écoute, c'est le lundi, on peut se le permettre, là, c'est pas... Hein? On va botcher tout le long de l'émission. Ben non, mais c'est le lundi, là, ça, c'est des choses qui arrivent. Ben oui. Hey, j'ai l'air fou à matin, moi. Ben ça, à cause de ta moustache? Ben c'est ça, Colin. Non, mais ben non, t'as pas de l'air fou. En fait, tu le fais pour une bonne cause. C'est noble. Tout à fait. Pour le Movember. Pour on se laisse pousser la moustache pour tout le mois de novembre. Il y en a qui commencent avant les autres, hein, parce que moi, je pensais que l'idée, c'était qu'il fallait avoir une moustache le 1er novembre. Pas commencer, se raser le 31, puis commencer à la faire pousser avec tout le reste à partir du 1er. Non, mais c'est sûr. En fait, le but, c'est que ça pousse pendant un mois. Là. OK, ben, je savais pas ça, moi. Là, il est trop tard pour me raser, hein. Ouais, mais là, tu peux pas parce qu'on est dans le mois de novembre. Ah, je vais faire pousser tout autour, puis on verra après. Ouais. On taillera. Parce que j'ai l'air d'un imbécile. Ben non, on va se faire. Hein? Plus que d'habitude, là. Hein? Ben, pas tant, en plus. Non, OK. D'habitude, t'as l'air un peu raisin aussi, là. Donc, ouais, c'est ça. Ça fait de bien. J'ai l'air d'un Mario, c'est ça, tu disais? Ouais, matin, oui. Un Mario Bros. Ouais, non? Mario Bros avec pas un Mario Goyette, toi. Mario Goyette, non. Des frères Goyette, non, c'est pas un peu. On pourrait aller écouter ça tantôt. Ouais. Je ressemble à ça, je trouve. Non. Ça, pas ça, pas la chose, là. Non. Ça te va super bien. Bon, François-Olivier Marchand, t'as passé une belle fin de semaine, toi? Oui. Toi aussi? Oui. Grosse fin de semaine, je vais vous en parler un peu plus tard. Ouais. J'ai été voir la lutte à Montréal. Ah ben, Colin! Ouais. Est-ce que t'as reçu une tape d'en face? Non. Non, mais j'en ai vu se donner, par exemple. Ah oh! Oh oui! On en parlera tantôt, on va aussi parler avec Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, le journal des étudiants de l'UQTR. C'est le journal là, qu'il y a depuis genre 6 ans, là. C'est quoi ça? C'est un journal. Bon, on en parlera tantôt avec elle. Elle a une toute nouvelle parution qui vient tout juste de paraître, finalement. Hein? C'est à peu près ça. Ben, OK. On va aussi recevoir Stéphanie Gagné avec sa chronique sur les sorties spectacles de la semaine. On appelle ça Take Me Out. Ça, c'est vers les 8h30. Audrey, c'est vers les 8h. Donc, d'ici là, on a C'est un fait. On a toi qui va nous parler de ta fin de semaine. Et on a de la bonne musique comme celle de Yukon Blonde qu'on s'en va entendre à l'instant. Voici Rather Be With You. Rise like mine. Gunblood et la pièce Rather Be With You à Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées ici au 89.1 FM. Hey Mathieu, écoute, on va faire une blague. On va faire une blague. Ben, okay. Pas vraiment une blague, OK? On voit, on est tellement impliqué dans la cause de Movember. Movember, oui. C'est les moustaches. Ouais. La moustache pour tout le mois de novembre pour le cancer de la prostate. Okay, écoute, on va essayer de en direct, là, live, là, c'est là que ça va se passer. On va essayer de... Ouais, c'est ça. On essaye. On va essayer d'appeler président du conseil d'administration. Ici même de C'est fou pour voir s'il serait apte et puis game à se laisser pousser la moustache. OK, là ça va sonner, je pense. Ah ouais? OK. Ça sent bien. Là, on appelle Jean-Philippe Ayotte. Ouais, c'est ça exactement. Qui devrait dormir, en théorie, là. Veuillez raccrocher et composer le numéro. S'il vous plaît, raccrochez. OK, OK. On va le refaire. Ouais, ouais, ouais, certain. Pas trop de troubles, on va le refaire. Ça va être super le fun, puis on va finir par se rendre. Please hang up immediately and try your call again. Oui, c'est bon. Hey, j'ai raccroché. Ça veut pas raccrocher. Hein. Ouais, c'est bizarre. OK, je pense que ça, c'est ça. C'est ça. OK, on recommence. S'il vous plaît, OK, on va commencer tantôt. On va aller écouter une autre pièce, puis on va revenir après. Ouais, on va mettre ça en ordre. Là. Et ça va bien, ça, ce téléphone-là. J'aime ça. J'aime ça, j'ai le fun. C'est lundi matin. Ouais, c'est ça. Ah, on écoute un petit peu de Metric. Voici Sick News. Pull your little Magic et Sick News à Assemblage requis sur Cifou 89.1 FM. On était en train de dire que le mois de novembre, c'est le mois où on va se faire pousser la moustache pour le Movember. Yes, sir. Et ça, ben, c'est pour le cancer de la prostate, donc c'est une bonne cause. Tout hein? à fait. On peut pas se faire pousser d'autres affaires, donc on va faire pousser la moustache. Écoute, tu peux faire pousser ce que tu veux, mais ouais. Moi, ce que je veux voir, c'est juste ta moustache. Mais des affaires illégales là-dedans, par exemple. Qu'est-ce qui est illégal? Tu peux faire pousser du... chez vous, là. Des herbes, là. Fines. Fines herbes. Hein? Des fines herbes, c'est pas illégal. Non, c'est ça, c'est légal. Okay, ouais, donc, on va appeler le président du conseil d'administration okay. de ces fous zones campus. Tu composes, là? Oui, il compose. On va se retenter notre chance, hein? Parce qu'on aime ça, faire ça en ondes, live, sans trop savoir si ça va marcher. On aime bien gros ça. Oh, attends un peu. C'est mal composé. M'appeler. Le gars, il s'appelait lui-même. Ouais. C'est fort. C'est pas mal mieux que moi, tantôt. Ça. Donc, on compose le numéro de téléphone de Jean-Philippe Ayotte. Puis là, on va mettre ça comme ça ici. Puis là, normalement, ça devrait sonner. Ça sonne. OK. OK, lâche le téléphone. Moi, je l'entends pas. OK, c'est ça. Tu parles, hein? Oui. Vas-tu répondre? Réveille-toi, là. Ouais. Ça sent l'échec total. Vous avez joint la boîte vocale. Oh, OK. Jean-Philippe. Ah, ben c'était bien chez eux, en tout cas. Au moins, ouais. On connaît le numéro, là. Ouais. Mm. Ah, mais j'ai raccroché. C'était... À la tonalité, veuillez enregistrer. C'est une belle expérience, je trouve. OK, on raccroche, là. Ouais, ben c'est raccroché, c'est correct. Ouais, okay. Cool. Ça va. Bon, mais je sais pas s'il dort ou il travaille. Hein? C'est la pire première demi-heure d'émission qu'on a fait à date. Ouais, là, on n'a pas fait grand-chose. Non. Écoute, on pourrait réessayer. Ben oui, on va réessayer en ondes. C'est sûr qu'on va réessayer ça une troisième fois. Hein? Ça peut pas être pire. Hein? Ouais, je me dis qu'à un moment donné, ça va bien marcher, ta marouette. Boy. Ben, vous écoutez l'émission remplie de matériaux de qualité. Hein? On se retrouve après la pause. Jusqu'à 9h, c'est fou. C'est fou ça. 89.1. C'est que ça me donne le goût de danser. Hein? Oh, c'est tellement de musique entraînante. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h. C'est fou. J'ai confiance, moi, François. Si tu me dis qu'on va l'appeler, ben, okay. Ça risque de marcher. Lui, ça risque de fonctionner. Non, mais écoute, parce que notre but aussi en faisant ça, c'est d'impliquer le plus de monde possible. Aussi. Dans notre cause, ben pas notre cause, mais la cause du cancer de la prostate, c'est le festival Movember, si on veut, pendant tout le mois de novembre. Tout le monde se fait pousser la moustache, dont moi qui a l'air un petit peu fou, mais c'est pas grave. Apparemment que la règle, c'était qu'on se rase de 31 puis là, ça pousse pendant un mois. Moi, j'ai juste fait une moustache le 1er novembre. C'est, ça a l'air d'être ça. En tout cas, je mettrai une photo sur Internet, ça va être bien. Bon, donc, OK, on va voir. C'est supposé ça. Ça sonne. Scène 1, prise 2. Alexandre Lapointe, ce coup-ci. Lapointe? Ouais. Je te laisse aller. Allô? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Alexandre Lapointe, s'il vous plaît? Oui? Oui, bonjour, c'est Mathieu. Mathieu Plante, oui. Et François-Olivier? Ouais. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit l'émission... du matin. Du matin, ouais. Soyons vagues. Hey, Alex, écoute, on t'appelle, OK, parce que le mois de novembre, c'est le mois... Il y a une cause, en fait, qui se laisse aller. Écoute, puis dans l'émission du matin, on se laisse pousser la moustache pour tout le mois de novembre. Oui, okay? Oui. Là, c'est ça. Là, t'es en direct dans l'émission. Oui. Et puis, on aimerait ça si tu pouvais te laisser la poustache. La poustache? Mousse-toi la poustache, s'il te plaît. Ouais, laisse-toi pousser la... pousser. La moustache pour le cancer de la prostate. Ouais, c'est ça, exactement. Écoute, est-ce que t'es prêt à embarquer avec nous autres? Je vais faire mon possible. OK, donc là, ce matin, tu ne dois pas te raser la moustache, et ce, pour tout le mois de novembre. OK. C'est excellent. Écoute, on va te rappeler, on va faire un petit suivi avec toi au courant de... Ben, peut-être pas cette semaine, mais une fois chaque semaine. Oui. C'est bon, ça? Est-ce que t'as la moustache qui pousse vite? Ou la poustache qui mousse vite? Ah, moi, c'est ça pousse pas, là. Non, c'est ça, ben, je te comprends. La petite peau de bébé, il est doux. Donc, ça va être le fun. Pendant un mois, ça paraîtra pas trop. Ouais. Pis, écoute, on va essayer de prendre des photos aussi, mettre ça sur le site Internet. Pour comme ça, les gens vont pouvoir suivre l'évolution de ta moustache. Et puis, c'est ça, l'idée, c'est de ramasser de l'argent aussi pour le cancer de la prostate. Donc, écoute, merci premièrement de ton accueil chaleureux ce matin. Hein? Mm-hmm. C'est plaisant, écoute. Je ne savais pas si tu allais dormir ou pas. Non, je m'en vais travailler, là, je suis sur la route. Oh, home. Bon, ben écoute, on va te souhaiter une belle journée de travail. Oui. Merci. Une bonne comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Moustache de poussage. On s'excuse et je m'excuse, mais en particulier pour François-Olivier qui a décidé que c'est lui qui allait taper aujourd'hui. J'espère que ça va être un mois productif. Ben, écoute, on se le souhaite. Fait que, écoute, on se tient au courant au niveau de la moustache. Bonne journée, bon travail. Et puis, hey, t'aimerais-tu entendre un peu de Blink? Ah oui, c'est ouais? Bon. Bon, ben, on envoie ça pour toi. Good, merci. Hey, merci, Alex. Salut. Bye. Bien, ciao. Vous êtes toujours Assemblage Requis, c'est votre émission matinale en pièces détachées. Ça a fonctionné, notre téléphone, on aime ça. Ça a fonctionné, on a sensibilisé une autre personne à l'importance de se laisser pousser la moustache. Hey, j'ai donc bien le mougir, c'est comme piano-panier. Oh, toi aussi, t'as de la misère ce matin. Fais tes exercices de diction. Piano-pionier. Oh, facile. Donc, on remercie Alexandre Lapointe. Ah oui, tout à fait. En direct de Longueuil, on peut le dire. Ouais, il y a un grand cœur. Il y a un grand cœur. Un grand cœur, oui, tout à fait. C'est un homme dévoué à la cause. Exactement. Et puis, écoute, ça pourrait être un défi. Cette semaine, on appelle, on sensibilise quelqu'un pendant notre émission. À chaque jour. C'est pendant 4 jours. Tu connais assez de monde qui vont être willing pour ça? Ben oui, je pense que oui. Le seul problème, c'est de les rejoindre. Mais bon. Oui, c'est le matin comme ça, c'est pas facile. D'autres gens qui sont dévoués à la cause de porter la moustache, c'est les frères Goyette. On les connaît, on les aime pour leur pilosité capillaire, je sais pas. Les voici. Oui. Tout de suite. Ok. T'aimes ça, ils ont des moustaches? Ouais, j'aime. On s'entend là-dessus. J'adore ça. C'est bon. J'adore ça. Mais j'aurais aimé ça savoir, est-ce que Kiwan est. Kiwan, il est solidaire dans son bout? Il apporte encore, je pense, la moustache. Je vais lui demander. Bonne question. Demande-disons. On pourrait l'appeler, nous autres aussi. Ouais, ça pourrait être bon, ça. Il est 2 heures plus tôt pour lui. En Alberta. C'est sûr, qui dort? Ouch! Un gun sur la tempe, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur tête, leur remet mon maigre butin. Une mince pile de vin. Essuyez-vous avec mon drapeau blanc. Mon tiroir caisse. Je fus dans la mire. J'ai pensé près de venir la une dans la gazette. Je pars vite vite sur la gâchette. Je ferme la chope mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Moi avec des balles à blanc, j'ai eu un bon coup de semence, pis la balle est dans mon camp. Sur le chemin du retour, j'ai pris un long détour, me paye un grand bol d'air frais. J'ai vu le film de ma vie, j'ai failli mourir d'ennui. C'est pire que film français. Je suis à des lunes de Chuck Norris. Je manque de kick, mais la balle est dans mon cou. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Grand temps que je rentre dans le dos. Frère Goyette et la balle dans mon camp à Assemblage Requis. Et ça, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou. Et ça ne cesse d'être populaire. Hein? Oui. Une belle façon de le dire. Oui. Ça a coupé sec aussi. Ouais, je sais, mais la tune finit comme ça. Qu'est-ce que tu veux? François, hey, à matin, Mathieu, qui a tout raté l'entrée au début. Comment tu veux qu'il va faire une bonne émission de qualité? C'est ça. C'est pas moi, hein, par exemple, qui a appelé un gars 2 fois puis que le gars répondait pas. C'est de la faute de qui, ça? Hein? Hein? Ben, c'est pas de ma faute, tu réponds pas. Ben oui, je te blâme pour ça. Audrey Tremblay qui vient d'arriver, rédactrice en chef du journal Zone Campus. Qui ça? Audrey Tremblay, rédactrice en chef. Salut Audrey. Mais on va lui parler tantôt. Rapproche-toi en masse de ton micro. En masse, en masse. Ah oui, non. Oh, salut. Oui. Salut, salut. Ça va? Ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Oui. Super. Qu'est-ce que tu penses de ma moustache? Hein? C'est, Je trouve ça super. C'est mince, hein? Vraiment merveilleux. C'est chic au bout. Non, mais Movember qui commence aujourd'hui et qui se termine le vendredi 3 décembre. Ça me fait toujours rire, ta moustache. On dirait vraiment, là, tu sais... À la puberté, en fait, quand le poil pousse et puis qu'on se rase pas encore, là, sinon c'est encore pire ça. Que ça. Mais c'est pas un duvet. Non, c'est pas un duvet. Au moins ça, là, réglons ça. Ah oui, ça a l'air piquant. C'est ça, c'est très, très piquant. Ta blonde doit être contente. Hein? Elle est pas très heureuse hier. Non, elle était vraiment même, je te dirais, pas très heureuse, tu sais. Que je me rase pas. Mais j'ai insisté parce que je l'ai promis, tu sais. Et c'est ça. Donc, Movember.com et le site web où se renseigner sur cette cause pour le cancer de la prostate. Ouais. Hein? Les détails, c'est pas mal ça, je pense. C'est d'autres choses à dire là-dessus? Ben, il y a de la marchandise aussi qu'on peut acheter. Oui. Si, des t-shirts, ces trucs-là, sur le site directement, movember.com. Mais évidemment. C'est international, hein? Oui, c'est ça. Et puis, évidemment, les profits sont retournent à la cause de la prostate. Là. Ouais. Donc, Il y a un style guide, un guide de stylisation sur le site movember.com où on peut télécharger, c'est quoi, un PDF avec différentes sortes de moustaches à faire là, avec des ciseaux ou avec des rasoirs. Hein? Mais si vous n'avez pas d'idée, on a mis une belle photo dans le zone campus parce qu'on parle de l'événement. Ah, que c'est d'adon ça. Oui, je l'ai vu ce matin. Ouais, ouais, ouais. Qui pourrait vous donner des idées selon votre pilosité. Inexistante, genre. Tu sais, quand il te reste juste à choisir, moi je veux celle-là. Ça peut être très, très comique comme choix. Je vais pouvoir me tordre les coins de moustache, moi, mais je pourrais jamais. Je pense à l'intérieur d'un mois, je me rendrai pas bien loin. Hey, ça va peut-être paraître idiot, ma question, mais est-ce que vous savez c'est quoi une prostate? Ah, ben, je sais que ça existe seulement chez les, chez les hommes. Là, c'est, Mais à quoi ça sert? Est-ce qu'il y en a qui. Attends, si, mettons, thermostat, ça veut dire que... T'as quelque chose avec la température. Ben, sa fonction principale, là, c'est de sécréter, de stocker le liquide séminal. C'est un des constituants là, du sperme. C'est sa fonction. C'est une large glande de l'appareil génital masculin. Ben, Colin, hein? Ouais, on en a appris. Est-ce que c'est très étendu, le cancer de la prostate? Écoute, non, j'ai pas d'informations là-dessus. En France, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme de plus de 55 ans, après le cancer du côlon. Plus de 60 000 nouveaux cas en 2005. Wow. C'est beaucoup. Ben oui. C'est beaucoup. Donc, bonne chose. Ouais. Mais écoute, je vais essayer de me renformer. me renseigner là-dessus cette semaine, et puis je vais en parler plus longuement, en fait, du cancer. Mm. Et puis, tout le mois de novembre, on peut dire. Hein? Vas-y. Je sais que la personne qui organise ça à Trois-Rivières, qui a démarré un peu le projet... J'aimerais ça leur savoir en entrevue. Ça pourrait être très cool, ça. Oui, ben, je peux lui en parler. Là, ouais. Je le connais. Mais je sais qu'il voulait demander aux Patriotes d'embarquer avant la barre des séries, d'avoir la moustache pour le cancer. Est-ce que pour une bonne cause, enfin, tu sais, à la place. Je sais pas si elle réussit à les rejoindre. OK, ouais. C'est ça. À savoir si ça avait été fait ou pas. Non, on passe le message à tout le monde, les Patriotes... Comment, les gars? Participer un peu, là, pour une fois. Comme s'ils faisaient jamais rien. Ben, c'est ça. On va revenir tantôt avec Audrey Tremblay pour faire le tour du journal de son campus. Il y a d'autres articles autour de celui des moustaches, même si celui des moustaches a une très belle photo. Tout à l'heure, à l'émission. Il va aussi avoir une chronique C'est un fait. On va parler aussi avec Stéphanie Gagné, ses sorties spectacles. Donc, restez avec nous. Pour l'instant, on va écouter David Gilbert tout de suite, tiens. Ton choix musical à Audrey. C'est qui l'a amené? Un petit choix d'Audrey. J'ai écouté ça en fin de semaine, c'est vraiment très bon. Oui, son album Le Journal. Oui, j'aime bien le style. Ce relax, ça vaut une belle voix. OK, ben ça va faire parfaitement avec l'émission du matin, ça. Parfait. Nous qui avons des belles voix. Voici Voyage de David Gilbert au 89 FM, c'est fou! Ça vaut son prix, une retraite au soleil. Qu'on fume de l'herbe sur la plage, mieux qu'on s'embrasse en plein orage, puisque l'on cède de belles années à son ouvrage. On se garde jeune qu'en voyage. Que l'on voyage outre-mer ou entre ciel et terre, que l'on voyage en première ou bien à pas assez pour la famille, car trop souvent on se réunit autour des moments difficiles. Et puis après, bien ça va de soi, les gens s'engueulent pour l'héritage. C'est trop de voir combien parfois on se retrouve seul pour le grand voyage. Que l'on voyage outre-mer ou entre ciel et terre, que l'on voyage en première ou bien à dos de dromadaire. Que mon corps sans mon âme retourne à la poussière, que les yeux de ma femme me gardent en croisière. Qui vient à bout de ton ménage, les créanciers et toutes mes dettes m'ont donné le goût de prendre le large. Alors j'ai pris le premier vol, sauté dans l'avion la même journée. J'en ai rien à foutre avec du bol, du moins je vais pas crever sans voyager. Sans voyager. Sans voyager. Sans voyager. Sans voyager. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, oh, oh, sha-la-la-la, sha-la-la-la, oh, oh, sha-la-la-la, sha-la-la-la, oh, oh, sha-la-la-la, sha-la-la-la, oh, oh. Embrasse-moi, l'amour n'est pas qu'un slogan. Allez, viens, encadre-moi et relis-moi doucement. Encage-moi, encage-moi, je serai fidèle. Enlace-moi, enlace-moi, tiens mes ailes entre tes bras, entre tes bras. Mon amour, Alex Nevsky et Chalalala, l'amour n'est pas qu'un slogan à Assemblage requis. Choix d'Audrey Tremblay, l'intéressant en chef du Journal Zone Campus. Excellent choix, très bonne chanson. Et puis l'autre aussi, David Jalbert, c'est très bon aussi. Ouais. Félicitations. Merci. Bravo, bravo, petit abdando. Vous avez gagné une moustache. Hey, oh. Attends une minute, toi, là. Wow. La tienne. Ah, wow. Je l'enlève n'importe quand pour te la donner. Hey, tu peux pas l'enlever, en fait. Tu peux pas la raser. Hein? Non, je sais. Tu ne peux pas. Cette étape-là, je l'ai suivie. Tu ne peux pas. J'ai mal commencé, mais je vais continuer maintenant. Tu savais pas quand ça commençait ou... Je sais pas. Je sais pas. En tout cas. Tout ça pour dire qu'on revient tantôt dans quelques minutes et là, on va vraiment faire le tour du Zone Campus. On arrête de vous agacer tel les agaçants, hein, finalement. Vous chatouillez avec une moustache. Oui, piquante un petit peu, mais bon. Info Campus, bloc pub, puis on revient après avec la deuxième heure d'assemblage requis. Restez là. C'est fou ça. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Yves Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Et là, ça fait longtemps qu'on vous en parle. On avait tellement de contenu et de choses à dire. Hein, qu'on remettait Audrey à plus tard. Et là, on l'accueille. Salut. On l'accueille chaleureusement. Ouais. Oui, bravo. Si on avait un public en studio, ça aurait l'air de ça, mais en pas mal plus vivant. Ouais, ouais, multiplié par une trentaine de personnes, peut-être. C'est ça. Parce que hein, tu sais que les studios ont la capacité de recevoir beaucoup de... Avec les astrales qu'on vient de faire installer. Ouais. Avec c'est vraiment beau. Oh! Avec le budget qu'on a ici. Donc, Zone Campus avec Audrey Tremblay. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Salut Audrey. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. On a un super bon numéro du Zone Campus. Hein? Tu trouves pas? Il est coloré, il est orange. C'est presque comme si la publicité avait été mise là à cause que de la même couleur que la table. Quasiment, ça fait portrait, attention à la une. Le monsieur qu'on voit ici à gauche, c'est Frédéric Desrues. C'est le président de l'AGE. Exactement. Et aussi, il y a une barbe qui commence à pousser quand même. Je sais pas, il se laisse pousser en moustache? Je sais pas, faudrait lui demander, mais Frédéric Desrues fait partie du DR. Et TR, oh, ouais, c'est vrai. Ont embarqué dans le projet. C'est vrai. Il faudrait vérifier avec monsieur le président Si je le vois aujourd'hui, je vais lui demander. Donc, si vous cherchez le Journal Zone Campus, oui, c'est la face du président de l'AGE. Et on parle de l'affiliation de l'AGE-UQTR à la TASEC. Oui, exactement. C'est le gros dossier des deux semaines qui s'en viennent, en fait, parce que ça va être le vote. Dans le fond, ça va être le choix des étudiants s'ils décident d'aller. De s'affilier avec la TASEC, c'est une grosse décision pour l'AGE-UQTR. Marie-André Gauthier a dressé le portrait de la TASEC pour peut-être vous aider à faire un choix. La TASEC, c'est la table de concertation étudiante du Québec. Exactement. Et j'en parle dans mon éditorial. Ah, aussi? Je propose mon opinion sur le sujet. OK, et tu nous dis même pas si t'es du côté pour ou du côté contre, là? Bien, je peux vous le dire, là, je suis pour la TASEC. OK. Ça va donner du poids à l'AGE. Bon. Et je l'assume fortement. Lisez son éditorial pour en savoir plus sur son opinion tranchée et tranchante. Hein? Si on continue dans les actualités, on parle de la semaine québécoise de la réduction des déchets. Oui. On parle de la moustache que vous n'arrêtez pas de parler depuis le matin, là, ouais. Étrangement, ouais. Là, c'est le sujet du jour. Vous allez pouvoir avoir des informations supplémentaires avec l'article qu'on a dressé dans le Zone Campus. On vous parle de la presse universitaire canadienne qui est maintenant disponible pour tous sur Internet. Mm-hmm. Tous partout dans le monde. Exactement. C'est un fil de presse avec plusieurs journaux universitaires. Oui, exactement. Ça commence à se développer en français. C'est pas parfait, mais si vous êtes bon en anglais, il y a des articles vraiment très, très, très intéressants sur la vie étudiante et sur les dossiers généraux des étudiants. Merveilleux. On parle aussi des collègues de sang avec... qui sont passés, en fait, de l'UQTR et qui donnent de très bons résultats à chaque fois qu'ils viennent ici. Ça c'est avec Sciences Infirmières, c'est ça? Sciences Infirmières, oui, exactement. Et avec Emma Québec, naturellement. On vous parle des remises de bourses du Centre des études universitaires qui ont remis près de 55 000 $ en bourse. Mm-hmm. On va vous parler aussi des projets du nom au cœur des énergies qui était de donner le nom à un tronçon d'autoroute de l'autoroute 55 pour valoriser les énergies qu'il y avait dans la région. Ah, d'accord. Bon. Un agent de sécurité qui a reçu... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé un petit gars. Il a sauvé un petit gars, mais je t'invite à lire l'article. François, donc il existait. Eh oui. Pas de sens. Acte de bravoure pour d'un agent de sécurité ici à l'UQTR. Monsieur Dufresne. Voilà. Monsieur Dufresne. Dans la section société maintenant. Société, Jean-François Veilleux vous parle de souveraineté. Lui, on sait qu'il y a des opinions là-dessus. Lui, hein. Oui. C'est assez intense, ces opinions. Effectivement. Ben, vous pouvez le suivre dans l'émission Dîner de con. Oui, tout à fait. Il est dans Dîner de con à chaque semaine ici sur C'est fou. Hein? Oui. Mm-hmm. Il y a toujours le fantasque qui est là toutes les semaines avec un très beau dessin. Toujours autant de talent, notre ami incroyable. Hubert Sanson. Dans Opinion, vous allez avoir un hommage à M. Pierre Huard, qui est un professeur en communication sociale, et un texte d'opinion sur le service de pastoral. D'accord. Vie étudiante, ensuite, on parle évidemment des activités à venir. Il y en a toujours plein. Il y a des photos du campus en action. Il y a la question Vox Pop qui vous demande cette semaine, qu'avez-vous fait pendant la semaine de travaux et d'études? Puis il y a Simon Fétibé qui a répondu. Oui, Simon Fétibé, chroniqueur ici à Assemblage Rock. Ouais. Avec ses écouteurs dans le cou, tu sais, il est fidèle à lui-même. Tout hein? on passe aux arts et spectacles maintenant, André. En arts et spectacles, on parle d'Ingrid Saint-Pierre qui a fait son premier spectacle à la Maison de la Culture. Son premier vrai spectacle. Oui, ouais, effectivement, ouais. Parce que Ingrid Saint-Pierre joue quand même souvent au Café Morgan. Puis, a joué au Festival aussi cet été. Oui, effectivement, aux Énobles. C'était vraiment très bon. J'aurais aimé ça aller voir, mais c'était sale comble déjà quand j'ai voulu acheter des billets. Ah oui, pas vrai. Mais je me suis surpris parce que j'ai acheté mes billets pour le... Il va y avoir une supplémentaire le 25 mars, à vous intéresser. Oh, oh. C'est loin, mars. Ça va être dans une salle plus grande, par exemple. Ah. Ben, félicitations à elle si ça fonctionne autant que ça. On est tellement heureux pour elle. Oui. À savoir si ça va juste fonctionner ici ou... Oui, il y a ça. Mais bon. Mais c'est un petit peu... Mais bonne, pour vrai, j'ai entendu. Ouais, c'est bon ce qu'elle fait. Une très jolie dame aussi, là, soit dit sans passer. Là. J'aime beaucoup Cœur de Pirate, mais si j'avais à choisir entre Cœur de Pirate et Ingrid Saint-Pierre, je pense que j'irais voir Ingrid Saint-Pierre. Ah ouais? Cœur de Pirate a beaucoup d'attitude. C'est des tatous qui manquent à Ingrid. Hein? Ouais. En fait, ça y manque pas du tout selon moi, là. Vraiment pas. Ouais. Bref, si on continue en art et spectacle, on parle de Partie Intime que je suis allée voir. Oui. C'est une alliance entre improvisation et théâtre. C'était vraiment très bien. Ça avait lieu chaque mardi du mois d'octobre. C'est terminé. Par ailleurs, il y a probablement des dates qui vont s'ajouter. Je vous invite à les suivre sur leur Facebook. Facebook, Partie Intime. Toujours en arrêt spectacle, on continue ça. On va parler de cabaret biodégradable. Intéressant ça, hein? Ouais. Le petit concept de lire des biographies de vedettes. Ouais. C'est des vedettes c'est des personnalités publiques. C'est ça. Qui lit aussi les biographies donc des gens. Ça peut être très intéressant, ouais. Ça peut être, mettons, la biographie d'Elisabetta de Love Story, mettons, ou peu importe. Lue par un artiste. Bon. Mais drôle. Ça fait des moments très cocasses. Voilà. On parle aussi de Gary Kurtz, que Marie-Noël Marino est allée voir. L'illusionniste. Exactement. Le mentaliste. Exactement. Une étudiante de l'UQTR, Laurie Hamel, qui fait du body painting, qui a remporté des médailles... Je me souviens plus dans quel pays, à l'extérieur. Ça, on en a parlé ici, c'est en Nouvelle-Zélande. Ouais. Ouais, ouais. Exactement. Mm. Et puis, c'est ça, elle avait perdu un heure aussi de son concours parce que son mannequin s'était pas présenté, donc il a fallu qu'elle... Ouais. Ça se peut-tu, ça? Ouais, ouais, ouais. Le monde est fiable. Puis, elle est sur aussi le site de l'UQTR aussi, on peut le voir. On peut voir ça. Ouais, c'est fou. Au niveau des expositions, on va parler de l'exposition d'Amélie Laurence-Fortin au Centre Presse-Papier. Au Gambrinus, vous pouvez voir l'exposition de Lauriane Dano, je crois. Oui, oui c'est ça. C'est exactement ça. Je cherchais l'exposition son nom. Zablon. Exactement. Quelque chose du genre. Et puis on parle du nouveau CD de Jérôme Mignard qui est très bon aussi. Mm-hmm. En sport. Oh, sports. Sport, on va parler de soccer. Soccer féminin qui ne font pas les séries. Et le soccer masculin, au moment d'aller sous presse, qui était en danger, mais qui, je vous confirme, ne fera pas les séries. On parle de la saison de cheerleading qui s'annonce bien, de natation. Au hockey, on parle du début de saison difficile des Patriots contre McGill, leur éternel rivaux. Et des matchs aux États-Unis qui ont quand même, malgré les deux défaites, bien été. Ça fait d'accord. Tout. Ben voilà. Ben cool. Voilà. C'est très bien ça. Merci beaucoup, Audrey. Ben, ça me fait plaisir. Un beau petit journal Zone Campus qui est en kiosque du 1er au 14 novembre 2010. Vous pouvez le retrouver un petit peu partout sur le campus du QTR et dans d'autres points de chute, n'est-ce pas, François? Oui, tout à fait. Voilà. T'en mentionnes pas? Ah, ben oui. comme vous voulez. Torréfacteur, Nord-Ouest Café, Gambrinus, Librairie Poirier, El Taouk, moins Café Morgane, Presse Café. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le lire, hein, n'est-ce pas? Exactement. Non. C'est ça. Et il se retrouvera aussi sur lezonecampus.ca. Quand? Aujourd'hui, peut-être. Zonecampus.ca, c'est le site. Audrey Tremblay, la rédactrice en chef de Zone Campus. Merci beaucoup. Plaisir. Beau travail. Oui, ben comme toujours, hein, on ne dira jamais assez. Non. Qu'est-ce qu'on ferait sans Audrey Tremblay? C'est comme un slogan. On ne dira jamais assez. Qu'est-ce qu'on ferait sans Audrey? Bon, probablement qu'on ne se laisserait pas pousser la moustache, par exemple. Non, on va bien. Va-t'en! Sors de mon studio. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est votre émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, Mr. Moustache lui-même. Mr. Moustache lui-même. C'est moi ça. C'est Mathieu Plante. Toi t'es monsieur, je me rase le premier, le 31. Moi je suis monsieur trop wise pour Mathieu Plante. J'aurais dû y penser que c'était une solution ça, juste se raser le 31 puis le laisser pousser à la place. Hein? Ben, je pense que c'est la logique. Audrey, elle me dit, je vais amener mes ciseaux ou quelque chose du genre. On va pouvoir... Non, il n'y a pas rendu aux ciseaux. Là. Ça fait 7 jours que je l'ai, on peut même pas... Ah non, puis c'est long. Là. Mettre un... T'sais, un frisati. Un frisati. Quoi? C'est que, quand t'appelles ça, non? Les les rouleaux. Ouais. Les rouleaux dans les cheveux? Ouais. Je sais pas. Bref, passons à un autre appel. Ça mène à rien, tout ça. Non. Ouais. Donc, c'est ça. Ben, vous êtes à Assemblage Requis. Puis, François-Olivier Marchand, tu vas me choisir un petit peu de musique comme ça. Puis, on va aller s'entendre Drello. Ça. Drello, de même, à brûle pour point, telle une moustache sur le dos d'une soupe. Oh, ouais. OK, ben oui, certainement. On va aller entendre. Qu'est-ce qu'on pourrait aller entendre? Random Recipe. Ah, ouais, pas vrai. Je croyais que t'aimais pas ça, toi. Ben non, c'est pas super. Pas pire. Ouais. C'est pas, écoute, c'est hein. Pas non, super. Non, mais c'est pas c'est encourageant pour le groupe. Ouais. C'est pas le meilleur groupe, mais c'est loin. On peut pas tout aimer. Non, c'est ça. Et puis, c'est pas horrible à changer de poste. Là. Non, vraiment pas. Ben loin non. De là. Donc, Random Recipe, l'album s'appelle Fold It, Mold It. Voici une chanson qu'on nomme. Tu me dis pas laquelle c'était, par exemple? C'est laquelle qui était sur le palmarès? Mathieu! Non, mais là, faut que je demande des informations. Donne-moi ça. Non, message. Je vais vous trouver ça. Ce petit moment d'attente est bien involontaire de notre part. Oui, mais ça me laisse le temps, par exemple, de vous dire que Assemblage Requis est une présentation de la Banque nationale du Canada et du service aux étudiants de l'UQTR. Et puis, est-ce que Mathieu a trouvé le nom de la pièce? Oui, qu'il va aussi, jouer? Something on My Mind. Yeah! C'était beau, ça. C'était professionnel à souhait. Merci, Audrey, pour le papier. Ça fait plaisir. Bye. Yo, 'cause I got something on my mind. And it's burning my lips. And I'm trying to find the perfect way. Slowly taking sips to express my shit. 'Cause I got something on my mind. And it's burning my lips. And I'm trying to find the perfect way. Slowly taking sips to express my shit. Like a bottle of wine, red or white. Make my knees weak, my soul numbing, I can't fight. Red tingling on my cheeks as you cross my sight. Sober up the planes and kiss me right. You might know this already and that's alright. You're jumping on my heart, makes me feel so light. You're running through my mind, day and night. Please drop if there's a way you and me might. You got me spinning around and that's okay. Who knew somebody could use the charm that way? Inside of me, I'm so hyper, but I like polite. Please tell me if there's a way you and me might. 'Cause I got something on my mind. And it's burning my lips. And I'm trying to find the perfect way. Slowly taking sips to express my shit. 'Cause I got something on my mind. I can't say. And it's burning my lips. I'm a submit. And I'm trying to find the perfect way. Slowly taking sips to express my shit. Thank you. kiss. Starting with your chest, cause that's the first on my list. Okay, now I'm getting sweaty and I'm blushing, alright. Oh, walk away, pop, and don't leave my side. Yes, no, maybe's what I read from your smile. But rock, paper, scissors is way more my style. Please don't tell me to go fly a kite. Just tell me first the way you and me might. Cause I got something on my mind. And it's burning my lips. And I'm trying to find the perfect wine. Slowly taking sips to express my shit. Cause I got something on my mind. I can't say. And it's burning my lips. I'm a submit. And I'm trying to find the perfect wine. Slowly taking sips to express my shit. Till the house lights come up, her stomach spills onto the floor. Against Me avec Trash Unreal de la pièce de l'album New Wave. New Wave. C'est ça? C'est ça. Hein? T'as bien raison. C'était un bloc là, qui fitait à merveille. Hein? Random Recipe avec Against Me, c'était tout merveilleux. Fait. Tout à fait. On aime ça l'éclectisme. L'éclecticité? L'électricité. Ouais, c'est ça. On aime ça quand c'est électrique. Ça donne un choc. Ça me permet d'avoir de projeter sur les ondes du 89.1. Ben, c'est bien dit, ça. L'électricité. Mm-hmm. Oui, ben vous êtes au 89.1 FM. C'est Assemblage Requier. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Et ça jusqu'à 9h, en compagnie de Mathieu Plante et François-Olivier. Sans il est moustache. 8h20. Ouais, François-Olivier, pas de moustache. Mathieu Plante, une moustache. Oui. Il y a eu un petit problème de compréhension de sa part. Merci. Écoute, faut l'excuser. C'est une, Mathieu Plante, c'est une belle petite bête attachante. Tu pourrais pas dire mieux que ça. Non, c'est ça. Non, j'ai pas d'autres qualificatifs. Non, j'ai pas de... T'essayes vraiment, mais t'es pas capable. Hey, écoute, il y a rien que... T'es propre. Merci. T'es propre. Une belle petite bête propre. Ben, Colin, c'est fun à entendre. Toi aussi, t'es... Toi aussi. Ben, je suis propre. Je suis propre, mais je suis rasé. OK, bon, donc parlons de faits divers, de choses que vous devez le savoir. C'est la loi. Avant de mourir. Avant de mourir, ah, bonne idée. 100 choses à savoir avant de mourir, mais on n'en fera pas ça un matin. Non. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables, vérifiables et véridiques. Dans un autre ordre que ça, ça ne sonnerait pas aussi bien. Voici donc le premier fait de la journée. Savais-tu, François-Olivier Marchand, savais-tu qu'il y a environ une slot machine pour chaque 2,5 résidents à Las Vegas? Hey, shit. Par 2,5 résidents, incroyable. Oh, ouais. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de touristes. Oui. Et donc, la ville est en plein milieu du désert, donc c'est un peu pour ça. Là. Hein, puis quand tu vas là, ben, je pense que t'as... Ben oui, t'as le choix de pas jouer, mais je pense qu'il y a le plaisir d'aller là aussi. C'est tu vas souvent là pour ça, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y en a même dans les épiceries, il y en a partout. Ah ouais? Partout, c'est ce que je me suis fait dire. Ouais. Eh ben. Les casinos partout. Savais-tu qu'un enfant sur 5000 naît sans une ouverture qui mène à son nonus? Hein? Quoi? Répète-tu? À son nonus. Non, mais pas ça. Un enfant sur 5000 naît sans l'ouverture vers son nonus. Ah ouais? Ouais. C'est un... Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un trou? Ben, c'est exactement ça. Ça s'appelle l'imperforate anus. Donc, l'anus. Non perforé. C'est, oui. Il n'y a aucune façon d'empêcher ça d'arriver pour ces enfants-là. Un enfant sur 5000, comme je disais. Souvent, l'ouverture... Une malformation, tu sais. Une malformation, exactement. Défectuosité technique. Donc, l'ouverture est complètement absente, mais des fois, elle est mal formée ou mal placée. Donc, peu importe, ce genre de conditions-là demande une attention chirurgicale immédiate et pourrait causer des complications plus tard pour l'enfant. Les traitements, normalement, sont des succès. Par contre, il y a des fois, si on veut, rares, où ça mène à des problèmes de contrôle des intestins. Bref. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Oui. On ne souhaite pas à personne. Ben évidemment que non. Savais-tu que regarder longuement les seins d'une femme peuvent augmenter l'espérance de vie de l'homme? C'est vrai. Ben oui, autre que ces belles petites sensations-là. Quelle étude scientifique, en fait, ça? Ben, c'est une étude récente qui dit que ça améliore votre santé par le fait même. Donc, l'auteur de l'étude, Dr. Karen Weatherby, c'est son nom, Weatherby, dit que seulement 10 minutes en train de regarder le charme, si on veut, le charme d'une femme, c'est équivalent à 30 minutes d'aérobie. Parce que l'excitation sexuelle, c'est vrai, ça fait pomper le sang et ça améliore la circulation sanguine. Elle dit aussi que si c'est fait régulièrement, ça peut ajouter 5 ans à la vie d'un homme. Et ça, quand même. C'est quand même possible. Quand même. On aime ça. Et là, ça parle de femmes bien, bien remplies. Là. Des gros seins. Savais-tu quand c'est... pendant ces 37 ans, Colin, là, je vais choisir le bon mot. Pendant ces 37 ans d'histoire jusqu'à maintenant, le groupe AC/DC a eu plus de 26 membres et seulement 2 sont des membres d'origine du groupe. Oh ouais, non, je savais pas. Ben non, mais peut-être que vous l'avez entendu à Rock Classic, peut-être, ce fait-là, à un moment donné, mais moi, je l'avais pas encore entendu. Les frères Angus et Malcolm Young d'Australie ont fondé le groupe en 1973. Ils sont toujours actifs en ce moment même. L'inspiration pour le nom du groupe, si vous savez pas encore, est partiellement créditée à la sœur de ces frères-là. Donc, leur sœur Margaret, qui a vu les initiales AC/DC, qui veut dire Alternating Current et Direct Current, sur une machine à coudre. Les frères croyaient que c'était un bon symbole pour représenter leur énergie crue sur scène. Leur tout à fait. Power. Même si la plupart des gens dans le monde prononcent le nom AC/DC, même en français on dit AC/DC en anglais, il y a des pays dont le pays natif du groupe, l'Australie, prononce ça Akadeka. Akadeka. Akadeka. Ah ouais? Akadeka. Ah. Eh bien, quand même pas stupide. Pour ceux qui savent, tu sais, savent pas. Savais-tu que la tour de Pise n'est plus la tour la plus penchée dans le monde? C'est ça? Non, du tout. Ben, la distinction va maintenant au Capital Gate Building à Abu Dhabi. Le Capital Gate est à un angle de 18 degrés. C'est 5 fois plus que la tour de Pise en ce moment. Par contre, 5 fois? 5 fois. Sacrifice, c'est penché. Par contre, contrairement à la tour d'Italie, la tour de Pise, la Capital Gate Building a été le Capital Gate Building a été construit pour être penché. Donc, contrairement à la tour qui, elle, s'affaisse, ouais. Si ouais, on veut. Donc, voilà. C'est quand même remarquable. Mm. Voilà. Savais-tu que Madonna est dans la même famille que Gwen Stefani, Céline Dion et Ellen DeGeneres? Je te jure. Ouais, quand tu remontes l'arbre généalogique, il n'y a pas de fin. Mais c'est quand même plus proche que ça en a l'air. Mais Mathieu, moi plutôt aussi, on est... Ouais. Mais selon... Cousin éloigné de qui? De ta grand-mère qui... Peut-être. Avec son frère. On sait pas. Bref, Ancestry.com a quand même trouvé un lien... un petit peu distant, 10e ou 11e cousin pour Madonna. Un autre est Camilla Parker Bowles, la deuxième femme de Prince Charles. Ils ont su aussi que Ellen DeGeneres était un autre membre de sa famille. Gwen Stefani a dit elle-même, a admis être dans la même famille que Madonna. Ils ont un ancêtre commun qui vient d'Italie, qui a immigré à Détroit. Bon, quand même. parlons de règles. D'accord, de règles. Allons-y. C'est ça. Savais-tu que Courtney Cox, tu sais, dans Friends, Monica dans Friends, la série de télé, vision, ouais. Courtney Cox était la première personne qui a dit règle ou period à la télévision américaine. Ah ouais? C'est dans de une toute publicité l'histoire? De tampons. Oui, de toute l'histoire des publicités de la télévision américaine, finalement. C'est dans une pub de tampons qu'elle a fait à l'âge de 19 ans. Pour Tampax. Tampax. C'est quand même intéressant. La première fois. Ah oui, mais c'est... Okay. Savais-tu que Britney Spears... Je savais pas, puis je me sentais mal. Ben, c'est ça, qu'est-ce qu'elle aurait fait sans savoir. Savais-tu que Britney Spears voyage souvent sous le nom de Alota Warmheart? Elle utilise quelques noms, des faux noms, des noms de plumes, pour se promener, pour sans pas se faire remarquer. Connaître, ouais, tout à fait. Mrs. Diana Prince est un autre de ses surnoms. Queen of the Fairy Dance. Et Mrs. Abracadabra. Mrs. Abracadabra. Ouais. C'est un petit peu ridicule. Hein? Ouais, c'est un peu bizarre, dans le sens que tu sais que... Écoute, c'est pas son vrai nom. Hein, c'est ça. Tu poses des questions un peu. Savais-tu que les prostituées en Espagne doivent porter des vestes réfléchissantes, si on veut, c'est, avec du pour les identifier? Ben, c'est pour pas se faire frapper. En tout cas, c'est pour empêcher les accidents de la circulation. Donc, la police dit que les prostituées violent des traffic laws, des lois de trafic de circulation, et sont un danger pour les conducteurs. Si on les attrape en train de se promener sur l'autoroute sans leur veste fluorescente, ils vont devoir payer une amende de 40 euros. On estime que 300 000 femmes travaillent en tant que prostituées en Espagne, là où c'est légal. Le pimpage, ping-ping, n'est pas légal, lui, par exemple. Aussi, on dit qu'un homme espagnol sur quatre a admis avoir payé pour du sexe. Et on peut même trouver des prostituées sur Google Street View. Si vous allez si vous tapez Madrid sur Google Street View, vous allez en trouver. Oh, ouais. Ben oui. Vas-y. Non. On termine avec un dernier petit fait. Tiens, pourquoi pas. En 1974, un homme britannique a bu beaucoup trop de jus de carotte et en est mort. Sacrifice. L'homme qui a fait, il en a bu... beaucoup trop. À perpétuité. Il s'appelle Basil Brown. Drôlement, Basil comme dans basilic. Là. C'est quand même assez spécial. Basilic comme l'épice. Là. Basil Brown qui a bu 10 gallons de jus de carotte en 10 jours. Ça lui a donné 10 000 fois la dose recommandée de vitamine A. Et ça a mené à sa mort à cause de son foie. Son foie n'a pas... Oh, il n'a pas accepté ça. Et voilà. Jus de carotte. Donc, de la modération dans tout. Hein. Il y en a qui peuvent mourir d'alcool. Trop grande consommation d'alcool, mais il y en a d'autres qui peuvent mourir d'une trop grande consommation de jus de carotte. C'est la morale qu'on en retient, François-Olivier. Ouais, et puis, ouais, tout à fait. Ben oui. C'est pas comme si c'était non plus le meilleur jus sur Terre. Non, t'aimes pas ça? Ben écoute, je déteste pas, là, mais tu sais, 10 gallons, c'est 10 gallons, là. On se calme à un moment donné. Sacrifice. Des muffins aux carottes, ça. Gâteau aux carottes. Ah, oh, hein, mon Dieu, Yannis. C'est tout pour... C'est un fait pour aujourd'hui. Il y aura d'autres faits comme ça demain. Merci, Matt. Fait plaisir. Merci, Matt, man. C'est super cool. Tout à l'heure, on reçoit Stéphanie Gagné pour sa chronique spectacle Take Me Out. Take Me Out to the Bone Gang. Mais pour l'instant, on écoute Hot Hot Heat. Hot Hot Heat. Voici YVR au 89FM. Est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Bien dit, François. Et le moustachu, Mathieu Plante. Ah, c'est moi, ça, hein? C'est tellement toi, là. Ça me décrit bien. T'as ma voix. Quelle gaffe que j'ai fait, hein, Stéphanie? Est-ce que t'as vu sa moustache? Ouais, mais c'est un concours, non? Non, pas un concours. C'est une bonne cause. Oui. Ouais. Cancer de la prostate. Bon, tout mais mois de novembre. C'est ça. Oui. On est rendu au mois de novembre? Oui, tout à fait. Bon, fait que c'est Mathieu qui est correct, c'est toi qui n'est pas correct. Mais c'est ce que j'ai dit un matin, mais il me disait le contraire. Mais non, écrit, mais non, vous comprenez pas, là, vous comprenez rien. Là. OK, on répète le concept. Ça pousse tout le mois de novembre. Tu sais, au mois d'octobre, en fait, tu peux te l'arraser le 31. C'est n'importe quoi ce qu'il dit, sa théorie. C'est de la. Non, vraiment. Moi, je pensais que l'idée, c'est d'avoir une moustache pendant tout le mois de novembre. Et j'ai une moustache. Là, on est le 1er novembre, là, on s'entend. Ben, en tout cas, tu l'as peut-être compris de mal. Là, mais... Tu peux pas juste avoir une moustache une journée. Là. Ça marche pas. Ben, pas une journée. Tu la laisses pousser tout le mois de novembre. Bon, fait que c'est ça que Mathieu y fait. Il se laisse pousser. On est le 1er novembre. C'est ça. Oh, oui, non, non, tout à fait. Mais c'est parce qu'il l'a starté de bonne heure. Mais non, on est le 1er novembre. On est le 1er novembre. Ça mène à rien. En tout cas, ouais, comprenez rien. François, fais tes excuses tant que tu veux. Puis t'auras une moustache peut-être là, au 1er décembre en retard après tout le monde. OK? Ben oui. Voici Stéphanie Gagné. On l'accueille avec sa chronique Take Me Out. Take Me Out! Oh, tout plein de sorties cette semaine, j'allais dire poutelin. Poutelin? Poutelin de sorties. Il y en a beaucoup? Oui, qu'il y en a beaucoup? Quand c'est même. Question plus que d'autres choses. Oui, ce soir, il va y avoir Matt Costa qui va être au National. Demain, toujours au National, The Dandy Warhols, que j'aime bien. Oui, très c'est mon bon. Groupe. Aussi, demain, il va y avoir les Maléchés au Gambrinus. Le 4 aussi, donc jeudi, il y a deux bons spectacles que vous pouvez aller voir à Trois-Rivières. Il va y avoir Damien Robitaille qui va être à la salle Anaïs Alain Rousseau et We Are Wolves qui vont être au Nord-Ouest. Ensuite de ça, le 4 aussi, il va y avoir Jimmy Hunt du côté de Québec au Cercle. Le 6, Beast va être au Centropolis. Jimmy Hunt qui va être à Victoriaville au Resto Bar Le Vieux Saint-Pierre. Et finalement, le 7, il va y avoir Plants and Animals à la salle 1425. Mais aussi, il y a le coup de cœur francophone qui se passe du 4 au 14 novembre. Donc, cette semaine, il y a vraiment beaucoup de groupes, mais je donne des exemples comme ça. Il y a Polype le 4, Chinatown le 4, Auguste le 7. Et aussi, la semaine prochaine, il va y avoir Chantal Archambault, Kellen Saloon, Fred Fortin. Plein de groupes super intéressants. Donc, vous pouvez aller voir ça sur coupdecoeur.qc.ca. Cool! Cool! Ça en fait beaucoup! Oui, et tant qu'à moi, le spectacle qui m'intéresse le plus cette semaine, c'est celui de We Are Wolves qui vont être au Nord-Ouest. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas loin. Ils sont super bons en show, donc je les conseille. Est-ce que tu as envie de les écouter? Oui, pourquoi pas. La Rue Oblique de leur dernier album. L'assemblage requis sur C'est fou, 89.5. We Are Wolves et la rue oblique dans Assemblage requis. C'est la chronique Take Me Out de Stéphanie Gagné. Oui, We Are Wolves qui va être au Nord-Ouest jeudi prochain. Elle n'a pas manqué. Tout à fait, en effet, et j'approuve. Je seconde. Ah ben, crime approuvé et comment à l'unanimité. Et comment on dit ça, François? Tu connais ça, toi, Lucia? Adopté à l'unanimité. Adopté. Et voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous deux. Merci. On te retrouve demain avec ton plat favori. J'ai des petits doutes sur ce que c'est. Tu es allé voir deux spectacles en fin de semaine. Mettons que ça s'inscrit pas mal dans la tradition du... Hein? Oui, mais j'ai vraiment hâte d'en parler, par exemple, parce que c'est pas juste spectacle. Il y a des choses autour de ça. Des émotions? Des rencontres? Peut-être que j'ai rencontré le groupe. Puis peut-être que t'as pris des photos avec eux autres. Puis un petit barbecue après, non? Un spa? C'est qui, ça? Quand même pas. C'est qui? Je vais en parler demain. Ouais. Aucune allusion au nom du groupe. On en parle demain matin à 7h30 à l'Assemblage. Tout à fait. Au revoir, Stéphanie. Au revoir. Toujours à l'Assemblage Hockey, oui, ben c'est ça. Demain matin, ça va être une autre journée. Là, pour l'instant, il nous reste encore une quinzaine de minutes à l'émission. François? Tout à fait. On finit à 9h. Ben, en effet. Tout courant? Ben, je suis souvent le « en effet » aujourd'hui, je trouve. Hein? En effet. Ouais. C'est ma moustache qui me fait dire ça. Ça se peut. Puis on se pile par-dessus. Puis on n'arrête pas de parler en même temps. Puis c'est super bon. J'aime ça, cette émission-là. On va entendre un petit peu de Jimmy Hunt. Jimmy Hunt? À l'instant, en francophone. Jimmy Hunt, dont Stéphanie parlait tantôt dans ses spectacles. Et voici sa pièce « Motocross ». Sur C'est fou. Ça ne m'intéresse nullement. J'aurais préféré t'emmener en motocross dans les Alpes, que tes yeux se décalent sur mon flanc, sur mon flanc. C'était long et le monde était chiant. J'aurais préféré t'emmener en motocross, que ta peau prenne une odeur d'essence. Et tu es la moteur, et tu es la moteur. Écoute tes cheveux se débrochent en motocross comme des vagues, et ton baigne jusqu'au torse en motocross dans les Andes. C'était long et vraiment fucking plat. J'aurais préféré t'emmener en motocross dans les Alpes, sentir ton cœur battre dans mon dos, dans mon dos. Et que tes cheveux se débrochent en motocross comme des vagues, ton baigne jusqu'au torse en motocross dans les Alpes. Jimmy Hunt et la pièce Motocross à Assemblage requis. François, tout à l'heure, tu parlais de ta fin de semaine. Début d'émission, oui, tout à fait. Je parlais que j'avais été voir la lutte. Oui. WWE à Montréal. C'était au Centre Bell en après-midi. Donc, un petit Halloween au Centre Bell. Et puis, j'ai été un peu déçu, je t'avoue. Il n'y avait pas beaucoup de grosses vedettes. Ça n'était pas un gala télévisé. Ah, ça, okay. Pas, je m'attendais un peu à ça. Par exemple, c'était quand même agréable. Là, j'ai pu voir en action Randy Orton, The Dynasty, la Art Dynasty. Pas la Art Dynasty. Oui, Nexus, la gang de mauvais garçons. Non. Oui, tout ça. Mais c'était bien plaisant. J'étais vraiment bien placé. Tu t'es pas pris de liqueur cette fois-là avec des hot dogs là, qui coûtent 72$? Non, et but de la bière. But de la bière. C'était le fun, non? C'était vraiment plaisant. En fait, j'ai passé une belle après-midi en compagnie d'un de mes amis aussi que je vois pas très souvent. Donc, Pascal. Est-ce que tu vas demander, lui, de se faire pousser la moustache? Écoute, on pourrait l'appeler. Ben, qu'un. Demain. Un par jour. Un par jour. La santé pour toujours. Ah, ben, quand même. Hein? Tu connaissais le dicton? C'est poétique, c'est comme manger des pommes. Mais non, bref, c'est ça, j'ai été vraiment déçu. Ouais, quand même déçu, là. Et puis, il n'y avait pas non plus de marchandises à l'effigie de tous les lutteurs. Il y avait vraiment. C'était vraiment limité. C'était comme l'équipe B de la lutte. OK. Ouais. Ça vole pas haut, ça, l'équipe B. Non, mais c'était pas pire, mais c'est son spectaculaire aussi, là, les gars. Là, et puis, ils se sont donnés aussi. Il y avait quoi? Peut-être, je dirais 5, 6, peut-être 7 000 personnes. OK, hein? Ouais. Semble belle, ouais. Cool. Puis il y avait du monde de 3 heures. J'ai vu du monde que je connaissais. Ça rassemble le peuple. Ouais, c'est bizarre. Et peut-être que ton équipe B sera un jour, c'est peut-être des futures étoiles, là. Peut-être des futures équipes A, là. Ouais. C'est comme l'underground. C'est comme le C'est fou de la lutte que t'as vu là, peut-être. Non, mais je pense pas parce que. Tu sais un peu, là, quand il y a un lutteur qui fait son entrée à la lutte, en fait, pour avoir écouté ça longtemps, tu sais si. C'est quand même relativement. C'est comme une bonne pièce, mettons. Comme, mettons, Elliot Broad. Tu sais. Clac! Tu sais, Dre, là, que ça va être number one, ben là, oui. Ça n'a jamais joué ailleurs. Ça fait comme 3 ans de ça. Mais ça n'a jamais joué ailleurs, Krim. Mais ça c'est vraiment une question. Pourquoi les radios commerciales? Mais tant mieux. Tant mieux. Ben voilà, on peut continuer à jouer pendant ce temps-là. Ah ouais, tout à fait. Mais ça, c'est même que il y a un de mes amis qui me le demandait. Pourquoi ça joue pas, ça, tu sais? Ah, je sais pas. On les laisse faire. Oh, les autres radios qui jouent ce qu'ils veulent. Ah, ouais, le monde vont être forcés à écouter C'est fou, pas d'abord, tu sais, s'ils veulent entendre. Une belle façon de le dire, ça. Exactement. Fait qu'on a commencé par la lutte, puis on a parlé de C'est fou. Ça n'a aucun lien, mais... On a réussi à en trouver un. C'est ça. Oui. On a réussi. À part de ça, François, il nous reste une dizaine de minutes à l'émission. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas tout à fait. N'est-ce pas là une vérité en soi? Absolue. Voilà. Donc, je me disais, je sais pas, ça me tente de faire ça à brûle pour point, je me suis pas trop préparé. Je vais chialer, toi, là. Ça me tente de chialer, parce que j'aurais pas dit que je vais le faire, fait que je vais le faire. On chiale, il y a tout le temps de quoi. Vas-y. Caroline, tout le temps de quoi, François? Tout le temps? Tu trouves pas? Tout le temps. Tout le temps de quoi? Vas-y, chante. Non, attends, Il y a tout le temps de quoi? La vie est faite comme t'as pas joué. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit t'arrives trop tard, soit t'arrives trop tôt. Il y a tout le temps de quoi? La vie est faite comme t'as pas joué. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud. Soit t'arrives trop tard, soit t'arrives trop tôt. Je te dis, François, il y a tout le temps de quoi? Il y a tout le temps de quoi? Il est tout le temps en train de se passer quelque chose qui me fait comme capoter, là. Vas-y, Mathieu. Pète ta coche. J'étais dans le corridor, là, juste à côté, le pavillon, juste à côté, Albert Tessier, ouais. Là. Ils ont mis des petits points jaunes sur les marches. Hein? Pour dire au monde, attention, il y a une marche. Ah, ouais, pas vrai? C'est vrai. Ah, ok, non. Ça, j'ai pas remarqué, en fait. Il y a des points, parce que il me semble, tu passes à quelque part, il y a une marche, ok? Une grosse marche, ok? Il y a 3 marches, mettons. T'es comme à 1 mètre du plancher, tu sais qu'il y a une marche, fait que tu sais où tu vas, non? Tu sais qu'il y a une marche. Tu sais qu'il y a une marche. S'il y a juste une marche, ok, ça va, mets un petit point, parce que là, il y a juste une marche, tu sens pas tellement la différence, tu dis, bon, ok, mais je marche là, puis à un moment donné, tu te pètes la gueule, ça va. Là, 3 marches, tu sais. Non? Ouais, 3 marches. Tu sais, si, mettons, quelqu'un se pète la gueule, là. Ouais. Hein? Ouais. Il va revenir contre l'université parce que ça va être la faute de l'université. Parce que là, c'est tout le temps la faute de quelqu'un. T'sais. Mais ça, c'est un autre point. Ouais. Comment tu veux mettre la faute sur quelqu'un quand la marche ne bouge pas? Elle bouge pas. Elle est tout le temps là, puis elle est à 1 mètre du sol en dessous, là. Hein? Regarde où tu vas, non? Si, mettons, il y a une flaque d'eau chez Walmart, mettons, tu sais, tu vas dans un centre d'achat, il y a une flaque d'eau, tu sais, tu pètes la gueule. Là, c'est la faute de peut-être la personne qui a laissé ça mouiller de même. C'est pour ça que quand tu vas chez Walmart, par exemple, je suis allé là en fin de semaine, il y avait un cône, attention, puis il y avait une fille. Il y avait une fille que c'était sa job d'être plantée là, puis de dire aux gens attention, monsieur. Puis là, elle disait vraiment là, à haute voix là, attention, monsieur, là, attention, fergez-vous pas. Là. Parce qu'eux autres, ils ont déjà eu des poursuites de millions de dollars pour un genou cassé, tu sais. Mais c'est ça, les gens sont pas mal faciles, ça gâchette en tant que poursuite, plus aux États-Unis qu'ici. Ben, c'est ça, au Québec, c'est pas encore répandu, mais tu sais, comment qu'on est en retard de 5 ans sur tout, là. Fait que sûrement qu'à un moment donné, ça va arriver, puis là, il va y avoir des poursuites pour crime, ils ont taché mon pantalon chez le nettoyeur, toi. Mais notre culture est moins portée à ça que les Américains, en fait. Là. Je sais pas si tu pourrais confirmer ou... Ben non, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que dans le sens où eux autres sont vraiment capitalistes, blablabla... Oui, mais c'est ça. Si on peut faire une scène à quelque part, on va la faire, là. C'est quoi que j'avais vu à un moment donné? Ou c'est peut-être toi, c'est un fait qui avait dit ça, qu'un Américain avait poursuivi l'état, je pense, parce qu'il n'y avait pas de laveuse-sécheuse dans sa cellule. Non, c'est pas moi, mais Colin, il n'y a pas de laveuse-sécheuse dans sa cellule. Ouais, t'as tué quelqu'un, mais après ça, par exemple, il faut que ton linge soit propre. Ouais. Hein? T'es supposé être puni, soit dit en passant. Là. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Là. C'est... Ça se passe de commentaires. C'est ça. En tout cas, fait que voilà. Des petits points jaunes à ça. En même temps, c'est correct. Je vais essayer de remarquer. J'ai pas remarqué. Toi, tu as vu ça la semaine dernière? Ouais, c'est ça. Okay. Tu marches, il y a comme des petits points jaunes à un certain espace sur chacune des trois marches pour te dire attention, là. Attention, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi, à un moment donné, qu'un ou deux mètres avant les marches, il y a comme un détecteur de mouvement qui fasse des bip-bip parce que là, les aveugles verront pas les points jaunes, François. Ouais. Fait qu'un aveugle va se péter à la gueule. Ça. Quand tu veux chier en main, je suis bien d'accord avec toi. Tu as raison un peu? Ouais, je pense que oui. T'es sûr, ouais? Ah, c'est sûr que oui. Plus que mes crocs en cannelle la semaine passée? Oh, tout à fait, ça, je trouve ça. Ben, pas non, mais écoute, c'est ton droit. Moi, ça. Mais les marches, vois-tu, c'est un bon point. D'accord. Bon, ben voilà, c'est dit. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ben, j'espère. Ouais. Ça sert à ça. Ok. C'est ça. Ouais. 8h54. Ouais. Vous êtes assemblage avec qui? Mm-hmm. Puis moi, l'hiver s'en vient, puis ça me fait penser à une pièce que j'aime beaucoup des Fleet Foxes qu'on va aller entendre à l'instant. Voici White Winter Hymnal, puis on revient avec la conclusion de l'émission. Scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in the summertime. Stop your feet. J'ai sauté un peu. C'était pas dans la chanson. Non, mais ça aurait pu. Je pensais pas que t'avais ouvert les micros. Non, je sais, je te l'ai pas dit non plus. Hein, je suis même, je suis taquin comme ça. Je guilli. La moustache. Ah ben oui, ma moustache se chatouille de partout. Clap your hands de They Might Be Giants à Assemblage Requis. Avant ça, ben c'était une autre chanson. Puis avant ça, c'était une autre chanson. Puis avant ça, on parlait. Puis c'était bien le fun. C'était une belle émission, je trouve, aujourd'hui. On a eu plein de contenu incroyable. Été. Ouais. On remercie Stéphanie Gagné pour ses sorties spectacles dans Take Me Out. On remercie Audrey Tremblay avec son tour du Zone Campus. On remercie ton ami Alexandre Lapointe. Alexandre Lapointe qui va se faire pousser la moustache. Et ça, tout le mois de novembre pour le cancer de la prostate. Et lui, il va en avoir une moustache à partir d'aujourd'hui parce qu'il va contourner son rasoir autour de sa moustache comme tu aurais dû faire. Tout à fait. On se retrouve demain matin à 7h avec... avec encore une fois Stéphanie Gagné pour sa chronique Ton plat favori. Elle va nous présenter ses coups de cœur artistiques. On va avoir aussi Émilie Gauthier avec du plein air dans Veux-tu sorcier avec moi et Maxime Lemulleramé. Oui, demain ça va être une grosse émission. Toujours le mardi, c'est notre journée, je pense, préférée en termes de beaucoup d'affaires en même temps. Puis on n'a pas besoin de chercher. C'est on trouve. C'est un peu ça que ça veut dire. Exactement. On se quitte, les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. On vous invite à rester à l'écoute pour le dîner de con qui commence à 11h. Et puis, passez une excellente journée. Salut François Olivier. Salut Mathieu Plante. Bye les requins. Ben oui, vous êtes pas les requins, gars. Ça, je vous touche comme je... Attends, ben, je vous touche pas trop, là, parce que je voudrais pas avoir de poursuite, là. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.